Joseph Jacobs, Contes indiens. Trop d'orgueil amène la chute. Dans un village vivaient 10 marchands d'étoffes qui se déplaçaient toujours ensemble. Un jour, ils avaient fait un long voyage et ils rentraient chez eux avec une grosse somme d'argent qu'ils avaient obtenue en vendant leurs marchandises. Or, il y avait une grande forêt très boisée près de leur village. Et ils l'atteignirent un matin de bonne heure. Dans cette forêt vivaient 3 brigands notoires dont les marchands n'avaient jamais entendu parler. Alors qu'ils étaient encore au milieu de la forêt, les brigands se présentèrent devant eux, épées et gourdins à la main. Et ils leur ordonnèrent de déposer tout ce qu'ils possédaient par terre. Les marchands n'avaient pas d'armes sur eux. Aussi, malgré qu'ils fussent beaucoup plus nombreux, ils durent se soumettre aux brigands qui leur enlevèrent tout, jusqu'aux vêtements qu'ils portaient, et ne donnèrent à chacun qu'un petit pagne d'un empan de largeur et d'une coudée de longueur. L'idée qu'ils avaient vaincu 10 hommes et pillé tous leurs biens s'empara alors de l'esprit des brigands, et ils se sentirent pleins d'orgueil. Ils s'assirent comme 3 monarques devant les hommes qu'ils avaient pillés et leur ordonnèrent de danser pour eux avant de rentrer chez eux. Les marchands se lamentèrent alors sur leur sort. Ils avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, à l'exception de leur pagne, mais les voleurs n'étaient pas satisfaits pour autant. Ils voulaient que les marchands dansent. Parmi les 10 marchands, il y en avait un qui était très intelligent. Il réfléchit à la calamité qui venait de s'abattre sur lui et ses amis, à la danse qu'ils allaient devoir exécuter et à la manière orgueilleuse dont les 3 brigands s'étaient assis sur l'herbe. En même temps, il remarqua que ces derniers avaient posé leurs armes à terre, persuadés d'avoir la victoire totale sur les marchands, qui commençaient maintenant à danser. Le marchand rusé prit donc la tête de la danse, et comme le chef chante toujours une chanson en de telles occasions et que les autres suivent le rythme avec les mains et les pieds, il commença à chanter. « Nous sommes un théum, ils sont érythum, si chaque érythum entoure énohum, restera énohum. » Ta taï tom tadin gana. Les voleurs étaient tous incultes et pensaient que le chef ne faisait que chanter une chanson ordinaire. C'était le cas, dans un certain sens, car le chef avait commencé à une certaine distance et avait chanté la chanson 2 fois, avant que lui et ses compagnons ne commencent à s'approcher des voleurs. Les 9 autres marchands avaient compris ce que le plus rusé voulait leur signifier parce qu'ils avaient l'habitude de faire du commerce. Lorsque 2 marchands discutent le prix d'un article en présence d'un acheteur, ils emploient une sorte de langage un peu surprenant. « Quel est le prix de cette étoffe ?» demande un commerçant à un autre, et l'autre lui répondra « 1 roupies », ce qui veut dire 10 roupies. Ainsi, l'acheteur n'a aucune possibilité de savoir ce que les marchands se disent entre eux, car il ne connaît pas ces expressions. Selon les règles de ce langage secret, érith signifie 3, anti signifie 10 et éno signifie 1. Par sa chanson, le chef voulait donc faire comprendre à ses compagnons de route qu'ils étaient 10 hommes, et que les voleurs n'étaient que 3, et que si 3 d'entre les marchands se jetaient sur chacun des voleurs, 9 d'entre eux pourraient les retenir et les mettre à terre, tandis que le dernier, leur chef, attacherait les mains et les pieds des voleurs. Les 3 voleurs, se glorifiant de leur victoire et ne comprenant guère le sens de la chanson et des intentions des danseurs, étaient fièrement assis, en train de mâcher du bétel et du tabac. Pendant ce temps, la chanson fut chantée une troisième fois. Ta, ta et Tom avaient à peine quitté les lèvres du chanteur et avant que Tadingana ne soit sortie d'elle, les marchands se séparèrent en groupes de trois et chaque groupe se jeta sur un voleur. Celui qui restait, le chef lui-même, découpa de longues bandes étroites d'un grand morceau de tissu et attacha les mains et les pieds des voleurs. Il les fit cela comme des sacs de riz, et ceux-ci, humiliés, roulaient là, dans l'herbe, exactement comme des sacs de riz. Les 10 marchands reprirent alors tous leurs biens et s'armèrent des épées et des gourdins de leurs ennemis. Les gens du village vinrent attraper les voleurs. Quant aux marchands, ils amusaient souvent leurs amis et leurs parents en racontant cette aventure. Fin du conte collecté par Joseph Jacobs, Trop d'orgueil amène la chute.